Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh. Tu m'as donné la vie. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh. Je veux te chanter, oh. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh. Tu m'as donné la vie. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh. Je veux te chanter, oh. Jésus, tu m'as sauvé, oh. Tu m'as donné la vie. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh. Je veux te chanter, oh. De la boue du péché, tu m'as sauvé. De la mort et l'enfer, tu m'as tiré. C'est pourquoi je te chante un chant nouveau. Pour toi mon Jésus, fidèle ami. De la boue du péché, tu m'as sauvé. De la mort et l'enfer, tu m'as tiré. C'est pourquoi je te chante un chant nouveau. Pour toi mon Jésus, fidèle ami. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, tu m'as donné la paix. Jésus, tu m'as aimé, je veux te chanter, oh. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh. Tu m'as donné la vie. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh. Je veux te chanter, oh. Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as guéri. Jésus, tu m'as aimé, oh. Je veux te chanter, oh. Dans tes bras, mon Jésus, j'ai l'assurance. En toi, j'ai placé toute ma confiance. Tu m'assures le bonheur, toi mon sauveur. Je vivrai pour toujours dans ton amour. Dans tes bras, mon Jésus, j'ai l'assurance. En toi, j'ai placé toute ma confiance. Tu m'assures le bonheur, toi mon sauveur. Je vivrai pour toujours dans ton amour. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, tu m'as donné la paix. Jésus, tu m'as aimé, je veux te chanter, oh. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh. Je veux te chanter, oh. Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as guéri. Jésus, tu m'as aimé, oh. Je veux te chanter, oh. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh. Oh, oh, oh, oh. Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as guéri. Jésus, tu m'as béni, oh. Je veux te chanter, oh. Jésus, tu m'as sauvé, oh. Tu m'as donné la vie. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh. Je veux te chanter, oh. Je te chante, je te chante, aïe, aïe. Je te chante, mon Jésus. Tu m'as béni, oh. Tu m'as béni, aïe, aïe. Tu m'as béni. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé, oh. Oh oui, je te loue, Seigneur. Tu mérites mes louanges, Jésus. Oh oui, tu m'as guéri. Oh, tu m'as guéri à la croix complètement. Oh, je t'exalte, Seigneur. Oh oui, je t'exalte avec mes forces. Tu m'as sauvé, Jésus. Oh, aucun homme ne peut me sauver, Seigneur. Je te chante, Seigneur. Reçois ce chant qui monte vers ton trône. Tu m'as aimé le premier. Aïe, aïe, aïe, aïe. Tu m'as aimé. C'est pourquoi je t'acclame. Oh oui, je t'acclame, Jésus. Oh oui, tu m'as guéri à la croix, Seigneur. Aïe, aïe, aïe, aïe. Tu m'as guéri. Tu m'as sauvé, Seigneur. Laissez-moi pousser des cris de joie en l'honneur de mon sauveur. Il m'a sauvé, il m'a aimé, il m'a guéri, il m'a relevé, il m'a pardonné. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer?